Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Pierrot le Fou, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Philippe Touzet, réalisée par Michel Sidoroff. La fiction d'aujourd'hui commence dans une chambre d'hôpital. Goutte à goutte, bruit de pas dans un couloir, au loin une annonce, le docteur Laurent est demandé chambre 108. Quelqu'un court, dans la chambre, Henri Ricordeau est entre la vie et la mort. Flic inspecteur à la mondaine, résistant, sa mission c'est de repérer, répertorier les collègues et les truands qui collaborent avec la police allemande. Nous sommes en juin 44, et dans quelques semaines, ses collabos, anciens truands et criminels, feront moins les fiers. Le patron du bar, le Chaplin, rue Vavin, près de Montparnasse, a contacté l'inspecteur parce qu'une bande de voyous lui faisait des misères. Tentative de raquette et compagnie. Il fallait régler ça en douceur, car le bistrot était une boîte aux lettres de la résistance. L'inspecteur Ricordo est donc parti seul. Première erreur. Mais il ne pouvait pas imaginer qu'il allait tomber sur le gang des tractions avant. Vers 22h, rue Vavin, à quelques pas du Chaplin, donc il entend plusieurs détonations. Il raconte. Le flingue à la main, je me précipite à l'intérieur du bar, comme un con. Je suis à peine entré, que je me fais ceinturer par un gars qui était à côté de la porte, un costaud, je peux plus bouger, et je me retrouve face à un P-38 pointé sur la gueule. Ah, je reprends ces mots, hein. Henri Ricordo vient de tomber sur le gang des tractions avant, donc une bande de malfrats violents et prêts à tout, dirigée par Pierre Loutrel, dit Pierrot le Fou. Qui est ce Pierre Loutrel, dont même la mémoire fait peur? Eh bien, il est né dans la Sarthe, en 1918, fils d'agriculteur, il a fait son service militaire au Baddaf, ces bataillons d'Afrique où échouaient les jeunes ayant été condamnés ou indisciplinés. Et c'est là que Pierre Loutrel va constituer son groupe qui deviendra le gang des tractions avant. Avec Joatia, Abel Danos, Dean Mammouth, le gros Georges, Riton le Tatoué, Marcel Ruard, dit le Gitan, ils vont agresser, tuer, voler à Paris, à Marseille et à Nice. Notons qu'avant de rejoindre la résistance en 44, par opportunisme, tout ce beau monde a collaboré avec la Gestapo. C'est en 1949 que le corps de Pierrot le Fou est exhumé en région parisienne près de la Seine. Il aurait été mortellement blessé lors d'un braquage en 1946 et enterré secrètement par ses lieutenants. Voilà. Pour nous éclairer sur cette histoire qui hante toujours le 36 quai des Orfèvres, nous recevrons après la fiction Bruno Fuligny, écrivain et historien, auteur de plusieurs livres sur l'histoire politique et policière de la France. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Pierrot le Fou, de Philippe Touzet. Une réalisation de Michel Sidoroff. Ah, les salopards, ils l'ont pas loupé. Je te promets, Henri, on va les rattraper, ces enfoirés. Et on va les faire danser. Ils vont regretter d'être nés. Oh mon Dieu, Henri. Henri. Geneviève, s'il te plaît, calme-toi. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Viens, on va aller dehors. On va les prendre. Non, l'air. Non, je ne veux pas aller dehors. Non, là, dans le couloir, à côté. Je veux rester avec lui. Allez, viens, je t'en prie. On va t'expliquer ce qui s'est passé. Vous savez qui a fait ça? Pas encore. Alors qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Qu'est-ce que vous foutez? Geneviève, s'il te plaît. Viens avec nous. Je vais appeler Marianne. Je veux pas que tu restes toute seule. Et moi, je vais appeler Claudine. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? On vous entend à l'autre bout du couloir. On est dans un hôpital, messieurs, pas dans une salle d'interrogatoire. Eh oh, ça va. Et en plus, vous fumez. La prochaine fois, venez avec vos sandwichs. Allez, dehors. Vous, madame, vous pouvez rester. Le chirurgien va bientôt passer pour sa visite. Merci. Oh, je vais ouvrir la fenêtre. C'est irrespirable. Je vous jure, les flics, il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Pardon, madame. Il n'y a pas de mal. Mais si on pouvait au moins sauver celui-là... La journée avait bien commencé, par un beau soleil. Mais pas que le beau temps qui était une bonne nouvelle en ce mois de juin 44. Les Américains venaient de débarquer en Normandie, les Boches commençaient à s'agiter dans tous les sens, la peur changeait de camp et ça faisait plaisir à voir. Fallait quand même se méfier. C'est quand l'animal est blessé qu'il est le plus dangereux. Je m'appelle Henri Ricordeau. Je suis flic, inspecteur à la Mondaine. Je fais aussi partie d'un réseau de résistance. Mon boulot, c'est de repérer, répertorier les collègues et les truands qui collaborent avec la police allemande. Je viens de le dire, on est en juin 44. Dans quelques semaines, ces ordures feront moins les fiers. Le patron du bar Le Chaplin, rue Vavin, près de Montparnasse, m'avait contacté pour me dire qu'une bande de voyous lui faisait des misères. Tentative de racket et compagnie. Il fallait régler ça en douceur, car le bistrot était une boîte aux lettres de la résistance. Me voilà donc, vers les 22h, dans la rue Vavin, à quelques pas du Chaplin, quand j'entends plusieurs détonations. Le flingue à la main, je me précipite à l'intérieur du bar, comme un con. Je suis à peine entré que je me fais ceinturer par un gars qui était à côté de la porte, un costaud. Je peux plus bouger. Et je me retrouve, face à un P-38 pointé sur ma gueule, de pauvre con. Terminé, messieurs. Lâche ton flingue, tout de suite, je te crame la gueule. Mais t'es un putain de flic. Oui, je te reconnais. Moi aussi, je le reconnaissais. Pierre Loutrel, dit Pierrot la voiture, spécialiste des vols de bagnole et excellent chauffeur, dit Pierrot la valise. Il avait toujours une sacoche de médecin à portée de la main avec des flingues dedans et des outils pour la cambriole. Pierrot le loup, Pierrot le dingue. Le garçon était plutôt instable, surtout quand il avait un coup dans le nez. Plusieurs surnoms, ça voulait dire que le milieu n'arrivait pas à cerner la personnalité du monsieur. Grâce à moi, si on peut dire, le problème sera vite réglé, dès le lendemain matin. Quand les feuilles de chou vont raconter ce qui s'est passé dans la nuit, Pierre Loutrel va devenir illico presto, Pierrot le fou. Ricardo. Non, un truc comme ça. Ricordo, c'est ça, Ricordo. Espèce d'enfoiré. Il s'est mis à me frapper, avec méthode, les oreilles, le nez, le menton, le plexus solaire, le foie et les côtes, pour faire mal. Une fois par terre, il m'a fini à coups de pied, sans s'énerver, comme un vrai professionnel de la carlingue. Ce repère de truand qui travaillait pour la police allemande, les salopards de première catégorie. Et puis tout à coup, ça a dérapé. Allez, aidez-moi, on va l'emmener en belle. Les deux gars qui étaient avec lui n'en croyaient pas leurs oreilles. Emmener en belle un flic, non mais tu déconnes Pierrot, on peut pas faire ça. Si on fait ça, on est tricard jusqu'à la fin de nos jours. Ah oui, qu'est-ce que ça veut dire emmener en belle? C'est tout simple. Tu prends un type, tu le mets dans une bagnole, tu fonces, tu t'arrêtes en pleine nature et tu lui mets une praline en pleine tête. Vous êtes sourdingue ou quoi? Christian, on va chercher la bagnole. Qu'on dégage d'ici et on emmène ce connard faire un tour. Les gars faisaient la gueule, mais enfin, tu peux pas discuter avec Pierrot quand il a un flingue dans la pogne. Même le patron du bar, planté derrière son comptoir, tentait de dissuader Loutrel. Tu peux pas faire ça, c'est un flic. Que tu veux venir avec nous? Tu veux prendre sa place? Il s'est mis à tirer sur les bouteilles qui se trouvaient derrière le patron. Les clients se sont mis à hurler. Malgré tout ce bordel, j'ai quand même entendu la bagnole qui freinait à mort. Pierrot et son frère m'ont pris par les épaules et m'ont embarqué fissa dans l'attraction. J'étais sur la banquette arrière avec Jules, le frangin. Christian conduisait et Pierrot était assis à la place du mort. Enfin, façon de parler, hein, car c'était plutôt moi qui occupais la place du mort. Christian osa quand même dire qu'ils étaient en train de faire une belle connerie. Pour toute réponse, Pierrot lui fila un méchant coup de poing dans l'épaule. La voiture dévia de sa trajectoire. On traverse Châtillon, pied au plancher, direction Clamart. Ma vie ne se comptait plus en heures, en minutes, mais en kilomètres. Je ne sais pas pourquoi, mais à un moment donné, la 11 chevaux s'est mise à ralentir. Fallait que je tente quelque chose. Je suis pas un putain de cochon qu'on mène à l'abattoir. Je me précipite vers la portière, Pierrot se retourne, défouraille, et il me balance 4 bastos à bout portant. Une dans le foie, une dans le crâne, une tout près de la carotide et la dernière pour la route, tout près de la colonne vertébrale. Jules, couvert de mon sang, ouvre la portière et d'un coup de pied, il me dégage de la bagnole. Je rebondis sur le bitume, en fait je m'écrase comme une pauvre merde sur le macadam, et là, au lieu de bouger, de faire le mort, franchement, il n'y avait pas beaucoup d'efforts à faire, j'essaie de me redresser. Dans le rétro, Pierrot s'aperçoit du manège, l'attraction pile net, j'imagine le Pierrot, fou furieux, putain de flic, je lui mets 4 pruneaux dans la peau, il est encore en vie. La Citroën fait marche arrière et me passe dessus, marche avant, elle me passe dessus. Pour le coup, je bouge plus. Mais je voudrais que je pourrais pas. La dernière chose que j'ai entendue avant de sombrer dans le noir de ma nuit, c'est une femme qui court avec des talons aiguilles. Ça y est, je peux y aller? Attends, je vais aller voir. C'est bon, je la vois pas. Ton infirmière, c'est un vrai adjudant. Ah, elle fait son boulot. Moi, j'aurais bien aimé avoir un adjudant comme ça. Tu la trouves mignonne? J'ai pas dit ça. Maurice, où sont les verres? T'as oublié les amener? Non, j'ai pas oublié. J'ai pas pensé à les sortir de la sacoche et tout. Heureusement que c'est pas du champagne. C'est un bon petit chablis qui vient de mon beau-frère. Il connaît le viticulteur. Tais-toi, malheureux, on va être obligé de t'arrêter pour marcher noir. Arrêtez, je peux pas rire. Henri, tu peux pas savoir le plaisir que ça nous fait de te voir comme ça. C'est un putain de miracle. Avec Antoine et Maurice, on voulait te dire... j'ai pas les mots. Tu sais très bien ce qu'on veut dire. Ouais, je sais. Ouais. À la brigade, on t'appelle Jésus-Christ. Au début, on t'appelait Lazare, mais on a arrêté. Il y a plusieurs collègues qui nous ont dit qu'ils voyaient pas le rapport avec la guerre. Arrêtez. Ça fait mal. Dites-moi plutôt où vous en êtes au niveau de l'enquête. Antoine, C'est toi qui as les notes? Oui, c'est moi. Alors, on t'écoute. Voilà. Quelques semaines après ton agression, on retrouve Pierrot le Fou à Toulouse. Il est bon, mon petit chablis. Lucien. C'est vrai qu'il est bon. Oh, les gars, on travaille pas pour le guide Michelin. Je disais donc, quelques semaines après ton agression, on retrouve Pierrot à Toulouse. Il a réussi à intégrer le réseau Morange. Oh. Pour un type comme lui qui avait bossé pour la Gestapo française, à Paris, ça commençait à sentir le roussi. Il s'est démerdé pour entrer dans la résistance. Ouais, il est pas le seul. Les résistants, à partir de juillet 44, il y en a un paquet. Le réseau Morange, c'est un réseau un peu particulier. Ils sont spécialisés dans l'exécution des collabos, des traîtres. Un type comme Pierrot, c'est du pain béni pour eux. Il a tué pour les Boches, il tue pour la résistance. Quelle importance! Il a flingué un officier allemand en plein jour, place du Capitole. Pierre Loutrel est devenu du jour au lendemain le lieutenant d'Héricourt. C'est pas beau ça? À la libération de Toulouse, on le charge très officiellement de rechercher les collabos et les anciens miliciens. Les gars avec qui il a travaillé pendant des années. Alors qu'est-ce qu'il fait le lieutenant d'Héricourt? La même chose qu'à Paris, mais dans l'autre sens. À Paname, il raquettait les juifs, à Toulouse, il raquette les collabos. Il fait la connaissance d'Henri Feufeu, dit Riton le tatoué. Un ancien de la rue Lauriston, comme lui, qui s'est fait la malle à la libération de Paris, comme lui. Lucien, où est-ce que t'as mis la bouteille? Là, par terre. C'est pas très prudent, donne-la-moi. Pourquoi? Tu t'en occupes pas bien, t'es jamais à la maison. Tu rentres tard le soir. Vous êtes vraiment con. Henri, t'en veux un autre? Non, merci, non. Redresse l'oreiller, s'il te plaît. Attends, je vais le faire. Alors, j'en étais où? Ah oui, Loutrel rencontre aussi un type qui s'appelle Raymond Naudy. Alors lui, pour le coup, il a un profil particulier. C'est un résistant, plusieurs années dans le maquis, un vrai de vrai certifié. Ça n'empêche pas avec Pierrot et Feufeu de se livrer à toutes sortes d'exactions, délits, crimes en tout genre. Mais ils vont dépasser la ligne rouge. Ouais, c'est ça le problème avec l'impunité. On croit que ça dure toujours. En octobre 44, ils vont s'attaquer à un industriel, à un notable de la région, un gars qui n'a jamais fricoté avec les cheleux, très respecté et surtout un ami de Pierre Berthaud. Le nouveau commissaire de la région. Mauvaise pioche. Belote, rebelote, Edis de Der. Ils sont arrêtés sur le champ, direction la prison Saint-Michel à Toulouse. Et là, tu vas pas le croire. Ils sont libérés au bout de 2-3 jours. Quoi? Lucien a sa théorie là-dessus. Ouais. Je pense que Pierrot s'est fait embaucher par les services secrets. Non mais tu déconnes. Pas du tout. La DGER a besoin de tueurs, des gars sans état d'âme qui ont beaucoup de choses à se faire pardonner. Il y a des dossiers qui ne doivent pas remonter à la surface. Il faut à tout prix éviter les procès, les articles dans les journaux. Trop de personnalités mouillées jusqu'au cou. Et on a un pays à reconstruire. Si on arrête tout le monde, on va jamais y arriver. C'est la grande lessive. Pierrot nettoie et les services secrets blanchissent. On a recensé en Espagne plusieurs meurtres qui portent la signature de Loutrel. Et puis surtout, d'octobre 44 à juillet 45, il a complètement disparu. Plus de nouvelles, pas un indice qui soit capable de nous lâcher une information. Ça, c'est pas normal quand t'es Pierrot le Fou, tu disparais pas comme ça pendant 9 mois. Et il était peut-être enceinte. Merci Antoine pour ta contribution. Oh. Ouvre plutôt une bouteille au lieu de dire des conneries. Ouais, les gars, là, vous allez vous faire choper. Mais non. Qu'est-ce que j'entends? Je passe devant la porte de votre chambre et qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que vous entendez? Le bruit d'une bouteille qu'on débouche. Oh, mais vous avez remarqué, on n'a pas fumé, hein. Et qu'est-ce que vous allez me faire la prochaine fois? Vous allez venir avec du cassoulet de Castelnaudary? À partir de juillet 45, Pierrot remonte à la surface à Marseille, de la manière la plus discrète qui soit. Il bute un type dans un bar devant une cinquantaine de personnes. Heureusement pour lui, à Marseille, 50 personnes, ça ne veut pas dire 50 témoins. Ça veut même dire pas de témoins du tout. Le premier qui lève le doigt se retrouve au fond du vieux port, les pieds dans du ciment. Malgré cet épisode sanglant, Pierrot la ramène pas trop. Du côté de la Canebière, les Guérini ont pris le pouvoir. Et les Guérini, dès le début de l'occupation, ils ont fait le pari de la résistance. Ce qui veut dire que Loutrel, avec son passé et son passif, il n'est pas forcément le bienvenu. Alors il traînaille de bordel en partie de poker, il boit beaucoup, ivre mort du matin au soir, il enchaîne les allers-retours Marseille-Paris, il revoit des amis, des durs, des qui n'ont peur de rien. Il commence à cogiter des braquages, mais il hésite. Comme un clébard devant de la viande avariée. Et puis tout à coup, le soleil brille. Il fait beau, tout va bien. Son pote Joatia est de retour, son ami vrai de vrai, le seul qui peut lui dire non, le seul qui pourrait lui mettre une baffe, le seul qu'il ne pourrait pas tuer pour un oui ou pour un non. Le seul, l'unique, le frère d'armes. Alors, Pierrot fait son calcul vite fait bien fait. Il a dans la tête un groupe de 5-6 hommes. Si ces gars acceptent de bosser ensemble, il va créer le gang le plus redoutable de l'après-guerre. Le gang des tractions avant. T'as pas faim? C'est pas ça. Ben c'est pas bon? Depuis Mauthausen, j'ai des problèmes de digestion. Enfin, tu veux qu'on en parle? Comme tu veux. Tu sais pour rien! Là, tu parles pas, tu gueules! Tout le monde nous regarde! Et j'aime pas ça! C'est la plus grosse connerie de ma vie. Mais qu'est-ce qui m'a pris de te présenter la fond? Comment j'ai pu penser un quart de seconde que t'allais bosser à la carlingue? Tu voulais qu'on soit ensemble, comme d'hab, depuis qu'on est gamin. Ouais. Et je voulais que tu te gaffes de pognon, comme moi. Je n'ai pas vu plus loin. Ouais, moi aussi, j'ai déconné. J'aurais dû te dire non tout de suite. Mais je voulais voir la gueule de. Lafont, le patron de la Gestapo française. Mais putain, Jo! Tu l'as insulté, tu l'as menacé. Tu l'as même bousculé devant ses hommes. Et j'ai été arrêté, torturé, pour le plaisir, et j'ai fait 2 ans à Mauthausen. Mange, ça va refroidir. Tu vois, mon Pierrot, c'est peut-être con, mais j'aime mon pays. Et ça, pour être con, c'est con. Fin de la discussion. Qui fait partie de l'équipe? Le premier, tu le connais, c'est Abel. Abel Danos. Le mammouth? C'est ça. C'est du sérieux, c'est un homme. Mais dis-moi, il a pas la maison Poulaga au cul? Si. Il s'est fait serrer il y a pas longtemps à Marseille. Mais il s'est évadé du dépôt en passant par les toits. C'est un ancien de la rue Lauriston. Ouais, comme Henri Feufeu le tatoué. Et Georges Bouche-Sèche, gros Joe. Ouais, c'est plus un gang, c'est une amicale. Il y a aussi Raymond Naudy. Alors lui, va te plaire. C'est un résistant de la première heure. Un bouffeur de miliciens. Un type carré, bon tireur. On est déjà montés ensemble sur des coups. Alors, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense... que j'aime bien le jazz. Bah putain, Joe, fais pas chier! que t'en penses. On va bien s'amuser. Allez, on y va. On y va. Oh les mains! Oh les mains! Bougez pas! Bougez pas! Bougez pas! Dis-toi, tu bouges pas là-bas! Dis, tu bouges pas! Le fric! Le fric! Oui! Fais-moi le fric, oui. Putain! Par terre! Ah, pas par terre! Toi, par terre aussi! Toi, par terre aussi! C'est bon! Bon, allez! Allez! Le gang des tractions avant démarre sur les chapeaux de roue. Le 7 février 1946, ils attaquent un fourgon du Crédit Lyonnais. Pas un coup de feu, un coup de maître et trois briques dans la poche. Trois jours plus tard, gare de Lyon, une camionnette des PTT, huit briques. Le 4 mars, ils attaquent un trésorier payeur d'une usine à Issy-les-Moulineaux, sept briques. Et puis à Nice, le 14 mars, 1 200 000 francs. Quelques jours plus tard, à Marseille. Mais là, ça coince. D'après les témoignages, un des braqueurs a l'air complètement sourd. Résultat, l'encaisseur résiste, il se prend une balle à bout portant. L'opinion publique et les politiques nous tombent dessus, et nous, on n'a toujours pas pigé qu'il s'agit du même gang. Ils vont trop vite. Ils opèrent dans le nord et dans le sud, et surtout, ils alternent des coups incroyables sans un coup de feu et des braquages à la con qui se terminent toujours mal. Comme à Cagnes-sur-Mer, le 8 juin, où Pierrot tue un collègue. Toujours pas d'indices, pas de traces. Avec le fric qui se font, ils arrosent à tout va, et comme dirait l'autre, le silence est d'or. Mais ça va pas durer. Ça peut pas durer. Les truands sont peut-être plus intelligents que nous, mais nous, on est plus nombreux. Les gars, je viens d'avoir Borghetti au téléphone. Ils ont logé les types de l'hôtel des poches. Oui, bien joué. Quelque temps après mon retour à la brigade, le 1er juillet, Loutrel et compagnie ont attaqué l'hôtel des postes à Nice. Un coup préparé dans les moindres détails. 33 briques au compteur, le plus gros casse de l'après-guerre. Sans aucun coup de feu, même pas une gifle. C'était ça, Pierrot le fou. Un tacticien du braquage, un vrai stratège, méticuleux jusqu'à l'obsession. Mais il pouvait aussi monter un coup entre le Pastis et le Calva, partir au front bourré comme un coin avec les conséquences qu'on connaît. C'est pour ça qu'on n'arrivait pas à faire le lien. On cherchait une logique, et il n'y en avait pas. Je vous l'avais dit, moi, que ça finirait par payer toutes ces descentes. Faut dire qu'ils ont mis le paquet. Ça fait une semaine qu'ils font des rafles nuit et jour sur toute la Côte d'Azur, de Nice à Marseille. Tout y passe, les bordels, les cercles de jeux, les bistrots, les clubs, les restaurants, les hôtels de passe. C'est pas très subtil, mais ça a marché. Oui. Ils les ont serrés? Non. Mais putain, c'est pas vrai. Ils ont le tuyau, ils arrivent pas à les cueillir? C'est quoi ces bras cassés? Quand les collègues sont arrivés à l'hôtel Maxime, à Cassis, ouais. Ils se sont fait tirer comme des lapins. On a eu deux hommes au sol. Oh merde. Ils s'en sortiront, mais c'est pour dire que c'est défouraillé dans tous les coins. Et ils ont réussi à se barrer? Ils ont sauté dans une bagnole et les collègues n'ont pas pu les rattraper. Oh, mais ils n'avaient pas installé des barrages? Non. Oh, mais c'est pas possible. C'est le béaba du métier. Du côté de Marseille, tous les bons flics sont morts à la guerre ou quoi? Mais. À quoi mais? Il y a un mais gros comme une maison. Eh ben, tu vas accoucher? Oh, t'es pénible aujourd'hui, hein? Bon, la prochaine fois, c'est moi qui réponds au téléphone. C'est sûr, les collègues n'ont pas franchement assuré, mais ils ont reconnu deux types sur trois. Ah, ça, c'est bon. Écoute bien, Henri, ça va t'intéresser. Le premier, je te le donne en mille, c'est Pierrot le fou. Nom de Dieu. Le deuxième, belle gueule, fine moustache. Oh, Raymond Naudy. Affirmatif. Le troisième, ils n'ont pas pu l'identifier, mais il est blessé. Les collègues vont faire le tour des cliniques privées, des médecins véreux, et ils vont l'agrafer, c'est certain. Alors le gang des tractions avant, c'est Loutrel. Bon, maintenant qu'on sait où chercher, il va moins rigoler, le Pierrot. Quelques heures après avoir failli se faire gauler par les collègues, Pierrot est bien tranquille à Marseille, dans une planque prêtée par un ami d'Antoine Guérini. Le bar est plein. Le frigidaire est rempli jusqu'à la gueule. La seule chose qui lui reste à faire, c'est de faire du pyjama, comme disent les gars du milieu. Dormir, glander et surtout ne pas sortir. Putain, mais qui sont cons? C'est pas vrai, putain! Des gamelles, du kistrat, j'en ai rien à foutre, moi, c'est de la merde! Les types qui ont préparé la planque, pensant faire plaisir à Loutrel, ont laissé plusieurs cartouches de cigarettes dans l'appart. Le problème, ce sont des blondes, des américaines. Et le Pierrot, lui, il fume que des gauloises. Alors il sort. Il y a des flics à tous les coins de rue, mais lui, il sort pour aller acheter des goldos. Il se fait arrêter. Contrôle d'identité, présentation de faux papiers. Il n'est pas armé. Il se fait embarquer direction l'évêché, le QG de la police à Marseille. Et là, il se retrouve dans un couloir, assis à côté de Clodo, de Macro. Personne ne l'a reconnu. Mais il sait que ça ne va pas durer. Sur sa droite, à 2-3 mètres, un râtelier avec des mitraillettes. Il bondit. Tout le monde par terre ! La gueule, connard, là-bas ! Les mains sur la tête ! Il dévale l'escalier, il atterrit dans la cour. Deux gardiens courent vers lui. Bougez-vous le cul, les gars ! Pierrot le fou s'est évadé ! Toi, à gauche ! Toi, à droite ! Et lui, il est allé tout droit. Insensé, incroyable et pourtant véridique. Nous sommes le 14 juillet 1946. Deux jours plus tard, Pierrot et son gang attaquent un fourgon de la Société Générale rue de Rivoli à Paris. 3 200 000 francs. En l'espace d'un mois, ils vont enchaîner 4 braquages. Une sorte de barreau d'honneur. Les hommes deviennent nerveux. Perquisition chez des amis, la sensation d'être suivi, observé, ça sent le flic et les emmerde. Pierrot se met à boire comme un trou. Il déconne à plein tube, ne respecte pas les codes du milieu, ses compagnons se détournent de lui. Il n'inspire plus confiance et surtout, il a épuisé son capital chance. Le 6 novembre, Pierrot veut attaquer une bijouterie. Des hommes de ce calibre qui braquent une bijouterie, on croit rêver. Mais la veille, Loutrel, qui se promène avec Marinette, sa maîtresse, voit une très belle parure de diamants dans la devanture du magasin. Demain, je te l'offre. Voilà ce qu'il dit à sa régulière. Mais le lendemain, les membres du gang refusent le coup. Un coup à la con, et ils ont bien raison. Raymond Audi claque la porte. Joatia se dévoue. Il arrive à convaincre Georges Bouche-Sèche de le suivre. Arrivé sur place, les deux hommes remarquent que Pierrot a un coup dans le nez. Et c'est le cauchemar. Pierrot entre seul dans le magasin. Les deux autres attendent en soutien dans la 11 chevaux. Le bijoutier résiste. Coup de feu. La femme du bijoutier se jette sur Loutrel qui ne parvient pas à se dégager. Attia arrive en catastrophe, maîtrise la femme. Il comprend que le bijoutier est parti pour un monde meilleur. Dans sa fuite, Pierrot lâche la parure de diamant sur le trottoir. Pas le temps de la ramasser. Joe et lui plongent dans la bagnole qui démarre en trombe. Tout ça pour ça. Pour rien. Attia et le gros sont devant. Et tout d'un coup, une détonation énorme retentit. Joe se retourne. En voulant ranger son 11-43 dans son pantalon, Pierrot s'est tiré une balle dans le ventre. L'ennemi public numéro 1 est mort. Comme un cave. Comme un con. C'était Pierrot le Fou de Philippe Touzet avec Benoît Marchand, Guillaume Durieux, Philippe Touzet, Mousse Zouhéry, Bertrand Suarez-Pazos, Pierre-Yves Desmonceaux, Nathalie Canoui, Peggy Martineau. Bruitage Sophie Bissantz. Prise de son, montage et mixage Marie Lepeintre, Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation Alice Cachaner. Réalisation, Michel Sidorov. Moi je m'en fous, je m'en contrefous. Avec mon destin je vais bras dessus, bras dessous. Je sais bien que je n'ai pas un radis, mais ça m'est égal, le bonheur me fait crédit. Aussitôt qu'une chose m'embarrasse, j'esquisse un sourire, je salue et je passe. Je n'envie pas ceux qui ont des sous, je ne suis pas jaloux, moi je m'en fous. Entendez-vous ce va-et-vient ici-bas? La vie c'est une foire où chacun se débat, où tous les gens courent sans trêve à la recherche d'un peu de rêve, pour oublier d'où l'on vient et où l'on va, et pour ne pas trébucher à chaque pas. Il faut se dire que la vie, oui, ce n'est qu'une plaisanterie. Et moi, je m'en fous, j'ai mon contre-fou. Et les étoiles me font les yeux doux, car le ciel là-haut, c'est à moi comme à vous. Je ne vais pas où tout le monde se rue, mais j'aime les chansons qu'on chante au coin de ma rue. Je n'ai rien et pourtant j'ai tout. Je suis mon chemin et je m'en fous. Affaires sensibles, la fiction. Non, ce n'est pas un pèlerinage. Plutôt la recherche d'une vérité. Le besoin d'un face-à-face avec un homme qui est certainement le plus grand criminel de son temps, Pierrot le Fou. Oui, c'est ici, à l'UER de médecine légale, que l'on conserve le souvenir macabre de sa présence parmi nous. Et ce souvenir, c'est son crâne. Et je le regarde, ce crâne, et je me dis que c'est dans cette boîte en os que se sont forgés ces désirs de meurtre, ces désirs d'agression, d'attentat, de vol, de pillage, cette haine multipliée qui résume le personnage. Alors, le cadavre exhumé le 7 mai 1949 à Porcheville est présumé être celui de Pierrot le Fou, ou plus exactement Pierre Loutrel, a fait l'objet de nombreuses investigations en matière de reconnaissance. Deux photos anthropométriques ont été prises par l'identité judiciaire, la superposition de ces photos avec le crâne retrouvé à Porcheville sont parfaitement superposables, puisque la photo prise de face montre une superposition totale des arcades sourcilières et de l'arête du nez, alors que la photo prise de profil montre elle aussi une parfaite superposition de l'angle de la mandibule et du trou auditif externe. Ce sont sur ces deux données très précises que l'identification a pu être formelle en ce qui concerne le dénommé Pierre Loutrel, dit Pierrot le Fou. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Pierrot le Fou, notre invité Bruno Fuligny, écrivain, historien, auteur de plusieurs livres sur l'histoire politique et policière de la France. Bonjour Bruno Fuligny. Bonjour. Merci d'avoir à nouveau, j'ai bien à nouveau accepté notre invitation puisque vous étiez venu apporter votre éclairage sur une histoire d'espionnage il y a quelques mois donc dans cette émission Affaires sensibles. Vous êtes, je le rappelle, écrivain et historien et vous venez de créer une nouvelle collection intitulée Historissimo chez First, dont le premier volume est sorti cette semaine. Il a pour titre Les affreux de l'histoire. On aurait pu retrouver Pierrot le Fou d'ailleurs. Et puis ça va continuer, il y aura plus tard Les ceci de l'histoire, Les cela de l'histoire. C'est prévu comme ça. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que Pierrot le Fou aurait eu sa place. Nous avons traité l'inspecteur Bonny, qui était lui aussi dans la Gestapo française, à un autre niveau. Bon, on a affaire à des affreux de toute façon. Bonny, spécialiste de supplice à la baignoire, notamment. On lui a prêté ça. C'était surtout l'administrateur, en fait, de cette bande. Une bande de pégriots au service des nazis, au service de la Gestapo. Mais il fallait un vrai flic pour tenir un peu les fichiers, l'administration, et c'était Bonny. Alors, on a entendu une archive il y a quelques minutes, c'est Alain Decaux, lorsqu'il présentait une émission, et qui confie ses interrogations face au crâne de Pierrot le Fou, et puis il est avec une légiste, un médecin légiste, qui décrit minutieusement ce même crâne, qui a permis l'authentification du criminel. Enfin, les deux, Alain Decaux et le médecin légiste, ont l'air impressionnés de voir ce squelette d'un homme qui hante l'histoire criminelle du 36 quai des Orfèvres, qui est maintenant d'ailleurs depuis un an le 36 quai du Bastion. Hein, rue du Bastion. Rue du Bastion. Rue du Bastion. Avec un seul le numéro d'ailleurs. Il n'y a c'est... pas le 1, 2, 3, il y a le 36. Il n'y a que le 36, par fidélité. On sait qui on trouve. Voilà, par fidélité, uniquement le 36. Et puis il y a un autre lieu de mémoire intéressant. Si vous allez visiter le musée de la préfecture de police qui se trouve à l'intérieur du commissariat du 5e arrondissement à Paris, eh bien vous verrez la photo dont il était question là, c'est-à-dire la superposition de la photo du crâne trouvée sur l'île du Gilier à Porcheville et une photo anthropométrique de Pierre Loutrel de son vivant. Et je vous assure que c'est très impressionnant de voir cette photo, parce qu'effectivement, la structure du crâne colle parfaitement au visage de Pierrot le Fou. On a la certitude que ce corps, trouvé 3 ans après le casse de la bijouterie de la rue Boissière, est bien celui du chef du gang des Tractions Avant, qu'on avait poursuivi pendant 3 ans. On a poursuivi un fantôme, en fait. On a poursuivi un fantôme, un fantôme très actif, parce qu'en fait, le succès du gang des Tractions Avant a donné des idées à toutes sortes de voyous à travers la France. Et il était facile de voler une Traction Avant. Donc, il y a eu des vols en Traction Avant à travers toute la France, et à chaque fois on les attribuait à Pierrot le Fou, qui en fait gisait dans la terre humide de l'île du Gilier sur la Seine. Alors je disais qu'il avait hanté le 36 qu'est les Orfèvres. Vous pensez aussi qu'il a vraiment traumatisé la police et sa mémoire hante encore la police? Disons qu'il a humilié. Il a humilié la police, et il a humilié, que dis-je, la police, la crime, les hommes du 36. Il a humilié le préfet de police lui-même. Pourquoi? Lorsque ce gang opère, d'abord, c'est des casses importantes, c'est des coups importants. Imaginez, à la gare de Lyon, la bande s'empare quand même de la solde des troupes américaines qui stationnent en France. Ça fait désordre. C'est vraiment pas bon pour l'image de la police française. Et à un moment, on pense les avoir localisés, toute la bande. À Champigny, il y a une guinguette, on se dit, tiens, ils sont là, on les a logés, on va attendre la nuit, ils seront fin sous, on va pouvoir les cueillir. Sauf que ça se passe très mal. Au moment où les policiers très nerveux approchent, il y a une porte qui s'ouvre, il y a un type qui donne l'impression de défourailler. En fait, c'est un pâle voyou, Dédé le Basque, qui est juste allé faire ses besoins dehors, mais on n'a vu qu'une silhouette, et donc on tire. Et à partir de là, ça déclenche une fusillade. Un aubergiste croit que c'est un règlement de compte entre voyous, donc il appelle les gendarmes locaux qui viennent et qui risquent de tirer sur les policiers de la crime. Il se trouve que Pierrot le Fou lui boude à un autre endroit, donc il n'est pas avec la bande qui est en train d'être attaquée et qui est en train de riposter, mais il apprend par un coup de fil que ses potes sont en danger. Il vient avec sa voiture, il a une superbe bagnole qui là n'est pas une Traction Avant mais une Delahaye splendide avec des plaques diplomatiques d'ailleurs qu'il a gardées de l'ancien propriétaire. Il force les barrages de police, il vient chercher les copains et il les embarque. Ouais. Ce qui fait que le préfet de police qui est présent sur place, les hommes de la crime, tous ces gens-là, eh bien, ont tué un pâle voyou et ont laissé passer quasiment toute la bande. Ajoutons à ça le cas extraordinaire de Joe Bouche-Sèche. Bouche-Sèche, c'est son vrai nom. Mais il fait un truc extraordinaire. Lui, il n'a pas le temps matériel d'entrer dans la voiture qui vient les sauver. Alors, il saute dans une citerne d'eau, une sorte de puits, rempli de flotte. Comme il était dans un bar, restaurant, guinguette, auberge, il s'est muni d'une paille. Une paille pour boire l'apéritif. Ouais. Et avec cette paille, il va respirer pendant des heures en étant caché sous l'eau. Les policiers ne vont pas le voir. Les policiers vont s'en aller. Et Bouche Sèche, dont seule la bouche est restée sèche, effectivement, eh bien, va sortir de cette cachette et va lui également disparaître dans la nature. Lui, il va vivre jusque dans les années 70. Il meurt au Maroc, on pense, en 1972. Donc la police a été, mais humiliée par cette bande. Et puis, c'est un film à elle toute seule, cette bande. Ah, c'est même 100 films à elle toute seule. Oui, c'est un film. Ce que vous racontez là, c'est un film avec un rythme, même pas besoin de montage, le rythme, il est donné par l'histoire. Il est donné par l'histoire, et puis il est donné par ces extraordinaires machines que sont les Tractions Avant. Vous savez ce qu'on dit à l'époque, Traction Avant, police derrière. Parce que les tractions qui ont déjà, chez les résistants, montré à quel point elles étaient utiles, maniables, elles virent à plat, les grandes portières qui s'ouvrent, c'est très bien pour défourailler, elles sont faciles à voler, parce qu'évidemment, quand vous faites un braquage, c'est pas avec des voitures que vous avez achetées gentiment chez le concessionnaire. Et donc elles ont plein de qualités, ces tractions avant, tandis que la police, elle a des vieilles Renault d'avant-guerre, elle a des 402 Peugeot un peu poussives, elle a du mal. La police d'ailleurs va s'équiper aussi en traction avant, mais avec un train de retard. Alors ça rappelle aussi un peu la bande à Bono, face à laquelle Clémenceau va être obligé de constituer une police d'élite, les Brigades du Tigre. Ça rappelle un peu ça quand même. Bah, c'est toujours la même histoire. Vous savez, on va retrouver ça aussi longtemps plus tard avec l'informatique. Il y a une sorte de course à la technologie. Et bien sûr, il y a un avantage entre les flics et les voyous à ceux qui sont les mieux équipés. Et c'est vrai que souvent, il y a un voyou inventif. Bono, il était mécanicien, chauffeur. Il a même été à un moment, je vous assure que c'est vrai, le chauffeur de Sir Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes. Donc, il savait très bien conduire une voiture et il a tout de suite vu le profit qu'il pouvait tirer. C'est la bande à Bono qui a inventé le hold-up. Le premier hold-up a eu lieu à Paris, rue Ordonneur, et pas du tout aux États-Unis. La police, à l'époque, avait très peu de voitures qui servaient plutôt à transporter les dignitaires. Et il va falloir du temps pour équiper effectivement la police et l'organiser de manière à arrêter des bandes très mobiles. Voilà, comme donc, quoi, il y a une filiation, enfin, il y a un fil entre... Tout à fait. Et ça continue aujourd'hui, avec les drones, avec les nouvelles technologies. Voilà, il y a une course à la technique entre flics et voyous, et on pourrait raconter toute l'histoire de la police à travers ce prisme. Pierrot le Fou, moi ça me rappelle un film, un excellent polar de Bob Swain, La Balance, qui avait eu plein de Césars, c'était en 1984, si mes souvenirs sont bons, et à un moment dans le film, l'un des personnages dit à l'autre, c'est un jeune flic, hein, attention, lui c'est un fondu, en parlant d'un voyou, c'est Checky Cario qui joue le rôle du fondu, avec avant la gueule quoi. Pierrot le Fou, le fondu, fou ça veut dire criminel, ça veut dire quoi? Là, Pierrot le Fou, pour le coup, c'est pas un débile mental, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, il est intelligent, mais il est extrêmement violent, il est totalement imprévisible, il y a des moments où lui-même ne se contrôle plus. Donc le problème des policiers, c'est que lorsqu'ils font une enquête, ils essayent quand même de trouver des points de rationalité, une stratégie, une tactique, des habitudes, des modes opératoires. Le problème, c'est qu'un bonhomme incontrôlable, comme Pierrot le Fou, est capable de monter des cas extraordinaire. La Poste de Nice, 1er juillet 1946, il rafle une somme considérable sans coup férir. Et puis, il va aussi s'en prendre, ce qui va lui coûter la vie, à une bijouterie juste pour une parure qui plaît à sa petite copine. Et là, l'affaire est mal montée. Par ailleurs, Pierrot le Fou est assez porté sur la bouteille. Et donc, il lui arrive parfois d'opérer avec un sérieux coup dans le nez. Donc, évidemment, ça le rend encore plus incontrôlable. Donc, fou, ça veut dire incontrôlable, là, pour le coup. En l'occurrence, oui. Bruno Fuligny, on se retrouve dans 3 minutes. On va continuer de parler de Pierrot le Fou et de ce gang des traction avant et de ce qu'il a vécu pendant l'occupation, période évidemment trouble, mais trouble à tous les niveaux, et à ce niveau-là aussi, et peut-être même surtout. On est entré dans la banque. Y a des flics dans la rue. et je vois ma mort. Ça déchire le silence. Ça me frappe en pleine tempe. Je tombe sur mes genoux. Ça aurait pu être un beau coup. Et je vois ma mort sourire. Et je la vois m'emmener. Bruno Fluny, donc on se retrouve pour parler du gang des tractions avant et de son chef Pierrot le Fou. Quand on parle de crimes, de violence, de braquage, de bande, celle des tractions avant vient tout de suite quand on pense aussi à la période de l'occupation. Hein. Est-ce que c'est dû à la période précise de cette occupation, de cette guerre, de la Gestapo, les résistants, tout était exacerbé, les salauds et les criminels pouvaient exercer leur pouvoir à l'excès, c'est dû aussi à cette période-là qui a permis tout cela dans une espèce de d'anarchie finalement. Sous l'occupation, on assiste à une explosion des actes de délinquance. On a des statistiques de police. Hein. On voit une hausse énorme et qui se poursuit dans l'immédiat après-guerre. On atteint un pic en 1946 et après ça va décroître légèrement, mais sans qu'on revienne au niveau d'avant-guerre. C'est d'ailleurs classique. Pendant les guerres et dans les mois ou les années qui suivent les guerres, il y a des accès de fièvre. Pourquoi ? Parce que les lois ordinaires sont un petit peu suspendues, la police est occupée à d'autres choses et une partie de ses effectifs est passée dans l'armée ou dans le contre-espionnage. Il y a des armes qui circulent, donc évidemment ça suscite des vocations. Il y a des comptes à régler. Donc le contexte est déjà très favorable aux voyous. Ajoutons cette particularité que les Allemands, et en particulier la Gestapo, a l'idée un peu étonnante, un peu étrange et vraiment redoutable, eh bien, d'utiliser comme supplétif des truands. Alors ça montre, ça c'est, je vous coupe parce que c'est très important, ça montre aussi que la guerre d'Hitler et la guerre des nazis étaient une guerre de mafieux. D'abord par la spoliation de tous les biens, les vols et l'emploi justement de repris de justice comme auxiliaire de police et même parfois plus, hein, comme chef de la Gestapo et du SD. Ça montre le côté mafieux de la guerre des nazis. Oui, et du nazisme en général. Et parce qu'en fait, général, si on remonte à la fondation du parti nazi et à toute la période où Hitler et ses sbires vont prendre le pouvoir, eh bien, ils vont s'appuyer sur des gens très violents qui végètent dans la pègre allemande ou en marge de la pègre. Donc, la SS, elle est héritière aussi de ce passé. Mmh. Et dans un pays occupé, bien sûr, elle va utiliser comme homme de main, voire comme auxiliaire, des truands authentiques et des truands qui sont vraiment prêts à tout, sachant que ces truands vont à la fois travailler pour la Gestapo, travailler pour les nazis, et puis dès qu'ils ont un moment de libre, ils vont utiliser ce petit pouvoir que leur donne leur carte, leur carlingue justement, hein, ce qui les rend intouchables, bah pour faire aussi de l'extorsion de fonds. Parce que si on n'est pas en mission, qu'est-ce qui empêche d'aller chez un commerçant, un industriel prospère, et de lui demander tout de suite de l'argent, de l'or, parce que sinon on va le dénoncer comme gaulliste, comme résistant, ou que sais-je. Donc il y a à la fois une action, je dirais, de police politique, de police secrète, qui est extrêmement enseignante. Et puis, il y a du chantage, de l'extorsion de fonds, toutes sortes d'affaires assez juteuses, sans compter qu'il y a aussi des bureaux d'achat. C'est-à-dire que si vous réussissez à vous procurer du bois, du cuivre, du tissu, n'importe quelle marchandise qui, dans un contexte de pénurie, vaut cher, vous pouvez le revendre aux Allemands. Donc, ils touchent à tous les guichets, ces gens-là. Et c'est vrai que pour Pierrot le Fou, pour Abel Danos, dit le Mammouth, pour Henri Chamberlain, dit Lafon, pour tous ces hommes-là qui sont sans foi ni loi, eh bien justement, il n'y a plus ni foi ni loi. On peut y aller, on a la protection et même la police ne peut rien dire. Tu lis à ce fameux Lafond, je dis fameux parce que Lafond a retenu son nom. En fait, son vrai nom, c'est Chamberlain. Henri Chamberlain, dit Lafond, ouais. Qui au départ est un petit trafiquant, mais qui a des capacités d'organisation. Et c'est pour cela que la Gestapo va compter sur lui pour diriger la bande de la rue Lauriston, au 93 de cette rue parisienne, cette sinistre carlingue qu'il va diriger et qui va être assez composite. La carlingue va même à un moment monter une troupe avec des Nord-Africains qui sont en Île-de-France pour les envoyer combattre les résistants dans le centre de la France, donc dans des campagnes profondes. Et là aussi, il va y avoir des atrocités sans nom qui vont être commises. C'est assez étonnant. Lafond, c'est un bandit, mais qui a le droit de revêtir un uniforme allemand et qui a pour adjoint un ancien policier français, alors certes ripoux, chassé de la police, devenu détective privé, mais qui est remis en selle à la demande de la Gestapo. Et donc ce drôle d'attelage, un bandit, un ancien inspecteur qui eut son heure de gloire, vont mener la vie dure aux Juifs, bien sûr, aux résistants, et puis à quiconque peut donner l'impression d'avoir un petit peu d'argent à lâcher. Arrive la fin de la guerre, et à partir de 1945, les policiers sont vraiment sur les dents, les ordres sont formels, il faut arrêter ce gang des tractions avant, coûte que coûte. La PJ est informée que le gang doit se réunir dans un café des bords de la Marne, au Marronnier, le 25 septembre 1946, la police déploie les grands moyens. C'est un échec. Est-ce que ça contribue aussi à la légende de Pierrot le Fou, comme d'autres grands criminels qui n'ont pas leur pareil pour échapper aux mailles du filet ? La fusillade de Champigny est finalement le départ presque sans blessure des principaux membres du gang. Ça va entrer dans la légende, bien sûr. D'abord parce que Pierrot le Fou n'est pas sur place quand la police déclenche l'assaut. Et il vient chercher ses potes. Donc, cette solidarité du gang, cette vieille amitié qui remonte au Bad Daf et qui s'éprouve à ce moment-là, elle est extraordinaire. Elle montre que tout voyou qu'il est, il a malgré tout des règles qu'il applique quand il s'agit des membres de son gang. Là, on est solidaire et donc il prend des risques absolument insensés. C'est le seul code d'honneur qu'il a d'ailleurs. C'est le code du milieu. Ouais, mais c'est le code du milieu poussé à l'extrême puisque il franchit des barrages pour aller là où c'est dangereux. Il fait une sorte de pick-up en fait, c'est-à-dire qu'il ramasse les copains qui montent dans la voiture et on refranchit le barrage dans l'autre sens. Évidemment, tout cela en tirant de tous les côtés. C'est incroyable ce qui s'est passé à ce moment-là. Et c'est pour cela que, bien sûr, le préfet de police, Luizet, et les hommes du 36 sont furieux et surtout humiliés après cet épisode. Dans son film Les bons et les méchants, Claude Lelouch fait dire à l'acteur qui joue apparemment Lafond, entendre, alors Lafond donc parle des délinquants, et il dit entendre paix, nous ne sommes rien, et vous êtes tout, et bien là, on va être tout, et vous serez rien. Ça résume un peu Pierrot le Fou. Et ça borde. C'est vrai. Ça croise. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a eu à un moment une abolition de la loi, une abolition des valeurs, et puis et même une inversion des valeurs. Total. Et puis arrive la paix. Mais bien sûr, des hommes qui ont connu cette forme de bombance, cette autorisation de tuer, de voler, de torturer, de se servir chez les gens, n'ont pas du tout envie de revenir à une vie normale. Et le gang des tractions avant, ça va être aussi une façon de fuir cette réalité, cette normalité qui revient, pour essayer de maintenir cette vie d'aventure et cette vie dans laquelle tout est permis. À la même époque, on a d'ailleurs des résistants qui vont connaître ce type de dérive, aussi étonnant que ça puisse paraître. Il y aura une affaire dans l'après-guerre qui est celle du comte Chalvet-Dressy, donc un authentique aristocrate, un authentique résistant, député gaulliste, qui va se faire prendre parce qu'il avait tout simplement pillé le coffre-fort de la perception de sa propre circonscription. Bruno Fulini, on aurait pu en parler longtemps, encore longtemps, tant cette histoire est fascinante parce que elle croise la grande histoire, précisément. Je vous renvoie, en tout cas, si vous aimez l'histoire, au premier tome de cette collection Historissimo, ça s'appelle Les Affreux de l'Histoire, chez First Edition, et c'est vrai qu'il y a des noms d'affreux. Certains sont moins connus que d'autres, mais Fouquet-Tinville, par exemple, ça parle, l'abbé Dubois, ça parle aussi, et puis Borgia, ça parle aussi. Voilà, un livre très intéressant, et il y en aura d'autres. Merci d'avance.